libota. Sumi ya libota. Somia libota, Somia libota, Pour au coup fatigué, pour ce qui est sommeil de votre vie.